était noire et je désespérais, mais j'ai eu mon petit miracle. Tu es arrivé avec tes grands yeux si bleus, tu m'as regardé. Là j'ai compris que nous deux, ce serait parfait. Qui m'apporte tant de bonheur, ton sourire en joueur, ta main et sa chaleur, jour après jour remplissent mon cœur. 12 ans de comme un rêve, ne pas me réveiller. Dans ton corps je sens ma sève, tout ce qui me manquait. Le matin quand tu te lèves, les cheveux décoiffés, j'ai des tonnes de je t'aime qui viennent t'habiller. Suzy ma fille, Suzy mon cœur, toi qui m'apportes tant de bonheur. Sourire en joueur, ta main et sa chaleur, jour après jour remplissent mon cœur. 12 ans de excès. Quand tu fais de ton papa ton plus fidèle allié, tu composes le ciment qui nous fait tant aimer. Suzy ma fille, Suzy mon cœur, toi qui m'apportes tout.